L'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'ai des frérots qui ne dorment plus la noche. T'étais pas là quand j'ai fait gâteau, mais t'aimerais bien que je te donne la moitié. Tu sais, dans la vie, les apparences sont trompeuses, comme la voiture m'a banalisé, décondé. Je pensais que cette pute avait un gros boule. La vie de ma mère, elle était juste cambrée. Je les encule tous, je suis seul au départ. Pour prendre ta recette que souvent on débat. Pour manger au grec, on partait voler. À midi, personne nous donnait de repas. Mais à part ça, tout va bueno. Y'a de la cocaïne et de l'héro. J'suis en deux roues, j'fais le tour de la ville. A crapaud vite, j'fais la mélo. Y'a que mes frères mascarades sous qui j'te compte. Compte. Traîne avec voleurs, narcotrafiquante. Tu nous voyais au resto, hein? Faut d'un maille, faut des pesos. On prend tout sur la table pour ce vaisseau. J'ai trop d'amour pour ma Tessie. Au feu rouge, ça vole dès que ça. Et tu crois qu'on dort imbécile? Tu liquides, on sait faire que ça. Autocar, FL et AK. Ils gravent le produit des empas. Pas besoin de te chercher dans la ville. On monte direct, tu fais rempart. Salope, des fois je me méfie. Fous la merde, on rend fou les schmicks. À sa bank, et ça mon équipe. Y'a de l'oseille, personne touche le smic. Mes frères mascarades sous qui je